Dossier 4. Livre page 49. Question A. 1. J'ai mal à la gorge à cause du changement du climat. 2. C'est surtout en hiver qu'on peut attraper un rhume. On tousse et on a le nez qui coule. 3. Lorsque je tombe malade, le médecin me prescrit des comprimés et des vitamines dans l'ordonnance.